de Memphis, il pleut bergère. Sur la route de Memphis, il rentre des blancs moutons. Patada, patadam. Bonjour Sylvie. Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Ouais, elle est pas mal ta version. Hein. Oui, c'est vrai, je suis en train d'étudier comment je peux faire pour sortir cette nouvelle chanson version pluie. Mais alors, c'est vraiment de la pluie? Tout le temps? Non, il n'y a que des petites pluies ce matin. Ouais, et puis elles pourront laisser la place évidemment à des averses orangeuses, hein, dans l'après-midi. Ah voilà. T'es contente, hein? Et comment, je me disais bien, c'était trop sec. Oui, voilà. Là, effectivement, tu peux même marcher pieds nus, ça te lavera les pieds. 21 degrés pour les températures cet après-midi, c'est pas vilain. Pour demain samedi, oh, ça va. Oui, encore de la pluie en matinée. Ah. Oui, mais ça s'estompe quand même pour l'après-midi. Mais il y a marqué légèrement. Et là, 20 degrés pour les températures maximales. Et alors pour dimanche, là, ça devient mieux. Soleil et nuages se partageront le ciel pour la journée. 24 degrés pour les températures maximales. Donc dimanche, ça sera un dimanche pas mal. Bah, c'est-à-dire que t'as du soleil, mais t'as aussi des nuages. Mais t'as pas de pluie dimanche. Bah, on verra. Voilà. Bien, alors vous noterez la précision de Bernard. Oui. Enfin, on verra. Il n'y en a pas, mais voilà. En ce moment, on ne sait jamais. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est parce que tu sais, les gens qui nous écoutent, ils sont en train de se dire, est-ce que dimanche, on va pouvoir faire barbecue? Ah non. D'accord, ok. Bon, bah, alors c'est non, messieurs, dames. Hein. C'est non. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Bien. Quelle heure est-il? Eh bien, il est 7h01 du matin. On vous souhaite la bienvenue. Et les infos dans quelques instants sur STFM. Et voilà. Dans quelques instants. Oui, bien sûr. Aménagement, plantation, taille d'arbuste, Rando Espace Vert s'occupe de tout. Une équipe de professionnels se tient à votre disposition au 06 03 17 68 61. Rando Espace Vert à Eschbourg, 06 03 17 68 61. En tant qu'adhérent de la coopérative Artisan à domicile d'Alsace, Rando Espace Vert vous fait bénéficier de 50% de réduction ou crédit d'impôt. Renseignez-vous. Vos matinales sur STFM. Sur STFM, Sylvie et Bernard. Les filles, bienvenue à bord. Prêtes pour un voyage gustatif et fruité avec Arthur Metz? Oui. Allez, tendez-moi vos verres, quelques glaçons et c'est parti pour le décollage. Arthur Metz Ice, un savoureux mélange de bulles et de fraîcheur. Arthur Metz, la référence en crémant d'Alsace. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Confusion is nothing new. Fly. After Time avec Cindy Lauper sur RestFM pour le démarrage de vos matinales, patientez SBP, vos matinales jusqu'à 9h, c'est le dernier rendez-vous de la semaine, parce que c'est... Ouais. Parce que c'est vendredi. Ouais, bah voilà. Et que vous allez sortir votre ciré. Oui, le fameux ciré jaune. Voilà. I'm singing in the rain. À peu près. Que voulais-je vous dire, chers amis? Je ne sais pas. Que j'ai déjà fouillé dans l'armoire. Ah, je me disais bien. Que j'ai déjà trouvé des entrées, mais que faut pas appeler maintenant, hein. Oui, non. Parce que oui, c'est pas tout de suite. Ce sera pour après. Voilà. J'ai sorti des entrées pour aller au musée, la fameuse collection Schlumpf, notamment. Mmh. Au musée, à la cité précisément, parce que le nom a changé. Cité de l'automobile. Ah, ouais. À Mulhouse, ouais, musée national, collection Schlumpf. Ça avait changé parce que tu sais, ils ont agrandi. Oui. C'est une très très grosse cité. C'est devenu une cité. Oui, un voyage passionnant dans l'histoire automobile. 25 000 mètres carrés, c'est pour vous dire la grandeur et c'est vraiment pour les passionnés d'histoire et de voitures. On en parle tout à l'heure, j'aurai les entrées pour vous. Bonne matinée à tous, il est 7h11. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. Simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Nos adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. On va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, j'en y croirais plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser. Se passe un peu trop bien. passer. La patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. C'est Mimi, c'est qui l'enfant? C'était Jo. Ah voilà. Elle s'appelle Jo Belle. D'accord. Alors, mais là, quel âge? Je sais pas. Mais alors, on me dit oui, c'est une nouveauté. Ah ouais, d'accord, une nouveauté, salut les amoureux. Ouais, tu m'étonnes, arrête. Il a chanté ça depuis longtemps, Jo Dassin. Bah oui. Ouais, mais c'était pas mal comme version. Moi, je trouve qu'à l'heure du petit déjeuner avec son croissant. Ouais. Ça, moi, je vous ai vu fredonner, les amis, ouais. Donc c'est que ça roule. Version enfant, Jo Belle, donc pour cette chanson. De salut les amoureux sur STFM. Bon, on est peut-être au croissant, mais c'est pas le tout. À midi, on va où pour manger? Ouais, c'est pas le tout. On va aller à l'hôtel-restaurant Comte de Hanau à Ingviller. Alors aujourd'hui, vendredi, pour le plat du jour, les steaks hachés faits par le patron. Ça, je vous garantis que c'est excellent. Les pommes frites et légumes de saison, le dessert du jour. Le plat du jour, donc pour ce vendredi, à 8,50 €. Et puis, il y a bien sûr d'autres formules. Il y a bien sûr la carte, il y a bien sûr beaucoup de choix. C'est à l'hôtel-restaurant au Comte de Hanau à Ingviller, 03 88 89 42 27. Eh ben voilà la bonne idée. Bon appétit. Il est 7h15 sur STFM. Deinen Blumen anzusehen. Der Strauß in deiner Hand war wie ein Geschenk aus dem Märchenland. In deinem kleinen Blumenladen ging ich jeden Tag hinein. Und du fragtest lächelnd, mein Herr, was darf's denn sein? 1000 rote Rosen für deine Liebe, 1000 rote Rosen für unser Glück, 1000 rote Rosen für jedes Lächeln und das Strahlen in deinem Blick, 1000 rote Rosen für deine Liebe, 1000-mal ich liebe dich noch dazu, und schenkst du mir dann auch noch deine Küsse, dann sind 1000 Rosen nicht genug. Frei wie der Wind, einfach ein unbeschwertes Blumenkind. Ein Flirt war dir genug, denn du hattest Angst, dass dir einer wehtut. Doch heute lagen Rosen zu Haus vor meiner Tür. Und ein Brief dazu, und darin schriebst du mir. 1000 rote Rosen für deine Liebe, 1000 rote Rosen für unser Glück, 1000 rote Rosen für jedes Lächeln und das Strahlen in deinem Blick, 1000 rote Rosen für deine Liebe, 1000-mal ich liebe dich noch dazu, und schenkst du mir dann auch noch deine Küsse, dann sind 1000 Rosen nicht genug. Jetzt liegst du in meinen Armen und schaust mich zärtlich an. Und ich denke an die Blumen, mit denen ich dein Herz gewann. 1000 rote Rosen für deine Liebe, 1000 rote Rosen für unser Glück, 1000 rote Rosen für jedes Lächeln und das Strahlen in deinem Blick. Rote Rosen für deine Liebe, tausendmal ich liebe dich. Elles, mieux que personne, savent consoler le cœur des hommes. Elles sont la douceur et la voix de la paix intérieure. Elles savent les mots qui nous rendent grands, nous rendent beaux. Les femmes sont la lumière du monde, l'étoile qui brille quand la terre ronde. Les femmes la lumière du monde. Elles savent en silence affronter les doutes et la souffrance. Elles savent mieux que nous combien certains hommes peuvent être fous. Seul repère et notre phare. Elles sont la sagesse, le pardon de toutes nos faiblesses. Les femmes sont la lumière du monde, l'étoile qui brille quand la terre ronde. Les femmes Ah pardon, les femmes sont des lumières. Ah, il est top, hein. C'était Frédéric François, c'est sa nouvelle chanson, bon. Hommage aux femmes. Vous restez avec nous, hein, vous passez une bonne matinée. Ah bah et comment? Ah bah, nous les femmes. Oui bon d'accord. Allez, bonne journée à tous avec STFM. Au réveil ou sur la route avec Sylvie et Bernard sur STFM. Je t'en Tu veux m'emmener où? Bah, je veux t'emmener à Gland. Ah, oui, voilà. Oui, on pourrait aller tous à Gland. À Gland. Et ce serait bien. Je me rappelle le Gland, je me rappelle plus. Tu vas où en vacances? À Gland? Oui. Eh ben, écoute, il y a deux Glands en France, hein. Ah. Enfin, il y en a deux. Il y en a plus que ça, mais enfin, il y a... Officiellement, il existe deux glands en France. L'un dans l'Aisne et l'autre dans l'Yonne. Oui, le gland dans l'Aisne, oui. D'accord. Alors, en 2013, on n'a pas refait de recensement depuis, mais enfin, en 2013, il y a trois ans, le premier comptait 463 glamois. Dans l'Aisne, on les appelait glamois. Uh-huh. Et le second, 37 glandinois. Ah oui, c'est pas mal non plus. Alors, je me suis demandé, voilà, parmi eux, combien il y avait de glandeurs. Oui, et combien de glandus aussi. Bien, bon, restez avec nous. Hein. Bon, bienvenue les glandeurs. Il est 7h33, on va parler du programme télé avec David Leroy. Et d'ici 5 minutes, 6 minutes... On jouera pour les entrées pour le ciné, ouais, la Cité de l'Auto. Ouais, hein. Oui, à tout de suite sur Reste FM. Salut à tous, nous sommes le vendredi 3 juin. Ce soir, sur TF1, Madame Foresti, la chaîne fera de l'audience, enfin normalement, avec le One Woman Show de Florence. 22h50, vendredi, tout est permis avec Arthur et ses amis qui a reçu un Gérard en début de semaine, hein, celui de l'animateur qui a un ego tellement gros qu'il veut voir son nom écrit partout dans le titre de son émission, brodé sur ses chemises, mais aussi gravé sur une mini gourmette qu'il porte autour du... ça, je peux pas vous le dire. France 2, Candice Renoir, la série française du vendredi, je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt bien fichu et c'est toute la soirée parce que Frédéric Taddeï dans tout ça, bah je crois qu'il est passé à la trappe. France 3, Faut pas rêver est en Nouvelle-Zélande ce soir, voyage aux antipodes, on va tout savoir de ce pays et je peux vous dire un truc, vous allez découvrir des lieux magnifiques. Canal, l'épreuve 2, le carton de l'année dernière avec Kev Adams, Didier Bourdon, Isabelle Nanty entre autres, après avoir réussi en France, les pires profs français sont envoyés dans un lycée anglais et forcément tout ne va pas bien se passer, mais c'est super drôle. Arte, la folie en embuscade, un téléfilm dramatique, une histoire entre un fils et son père malade, un quotidien compliqué. M6, NCIS toute la soirée, inédit pour débuter la soirée et des rediffs pour la terminer. Le meilleur de la TNT, D8, Jean-Luc Lemoyne est en prime avec une spéciale des 4 tiers, W9. Enquête d'action toute la soirée, on parle de l'été. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. À Sa Réunion, 90. Il faut vraiment que je dise à Angèle qu'ici c'est la révolution, que tous les mondes foutent en l'air les poubelles de la région. Oh, oh. Qu'elle prenne sa bécane, qu'elle sorte de chez elle, qu'elle laisse tomber son feuilleton pour me donner sur ses jeux rebelles une explication. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ben voilà, bah, bah, ouais, bah, c'est pas le doux. Tonton, c'est un moteur de vieille voiture. Ah oui, oui, oui. Ah. Ouh, oh. Là, non, mais alors, ouais, si tu es amateur, ouais. Moi, je vais t'emmener à Mulhouse, le plus grand musée formidable, un voyage passionnant dans l'histoire automobile. Alors, c'est le plus grand musée automobile du monde. Et oui. Ça n'est pas une plaisanterie. C'est à Mulhouse, la cité de l'automobile. Vous allez découvrir la plus grande collection du monde, la fabuleuse collection Schlumpf. Plus de 400 voitures d'exception, dont la célèbre Bugatti Royale. 25 000 mètres carrés. Une aventure à suivre. Alors, on parle des courses aussi automobiles. Il y a des chefs-d'œuvre à découvrir, les plus luxueuses voitures. Il y a des animations, d'ailleurs, tout au long de l'année. Enfin, c'est génial. C'est un truc de ouf. Ça vaut le coup, en tous les cas. Ça vaut le coup d'aller à ce musée, d'aller à cette cité de l'automobile. Ouais, de l'automobile. Oui, dans le temps, on l'appelait le musée, mais c'est fini parce que c'est tellement grand maintenant. Que maintenant, c'est une ville. Et voilà, c'est bon. Une cité, c'est à Mulhouse. Vous voulez deux entrées, là, tout de suite. Il faut juste décrocher le téléphone et nous appeler. 03 88 89 80 80. Bonne chance et à tout de suite sur SFM. Bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellasse, les amours aussi passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai les sorts, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer. M'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner. Moi, je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Oh non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai les sorts, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages, pour l'infini vendange. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Je les dirai sans remords, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Annie, vous êtes avec nous. Bonjour Bernard. Comment ça va? Et Sylvie aussi. Oh, ben, sous la pluie, Bernard. Ah voilà. Je pensais qu'en vous parlant, le soleil allait arriver, mais non, ben voilà. Ben voilà, demandez à Sylvie de parler, alors peut-être que... Le matin, vous êtes toujours mon rayon de soleil, mais bon, c'est plus le cas, voilà. Ah ben voilà. Changez la météo, s'il vous plaît. Oui, d'accord, on va appuyer sur le bouton. Ouais, ben oui, hein. C'est comme avec votre porte qui grince, hein. Ouais, mettez-y un peu d'huile, s'il vous plaît. Mais non. Arrêtez maintenant, ça suffit, parce qu'il y a Sylvie qui est en train de rigoler en face de moi. Ah, et c'est normal. Ben voilà. Bon, qu'est-ce qu'a gagné Annie, alors, en même temps? Soit disant que je vais aller m'amuser avec les voitures à Mulhouse. Oui. Ben, c'est super. Deux entrées pour vous, Annie. Ah, super. C'est cool, hein. Faudra d'abord que je me cherche un copain pour aller avec. Ah, ben voilà. À mon avis, il y a des amateurs, hein. Je pense, oui, mais bon. mais ça, j'ai pas su. Bon, on peut lancer l'appel, si vous aimez... Tout le monde ne peut pas avoir sa chance, hein. C'est tout. Je peux sélectionner, là, ça, c'est bien. Mais oui. Vous faites comment? Partirage au sort? Non, mais c'est... Ben, je les regarde et ça me suffit, hein. Wow. Dans les yeux. Eh ben, faites gaffe, les gars, parce que ça va pas être facile. Oh là là, mon âge, mon Dieu. Bah, oh, il n'y a pas d'âge. Oui. Non. Oh. Non. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Non, de toute façon, non. L'idéal, c'est qu'on a le choix maintenant. On a le droit de choisir. Oui, voilà. Ah, c'est super. Très bien. Ben, bravo en tous les cas. Annie. Oui. On va vous souhaiter une belle journée à S. C'est là-bas que vous êtes. Oui, merci. Ben, je vous souhaite aussi une belle journée à Puberte, mais bon, c'est mal barré, hein. Wow. Non, vous savez, là, le barbecue est en train de tourner. Ah, oh, ben, super, alors. Ouais, ben, je viendrai, alors. Oui, hein. Vous pouvez. On vous attend. Ouais. Je prends une saucisse à la limite, hein. Toulouse, s'il vous plaît. Voilà. À bientôt. À bientôt et bonne journée à vous, hein. Merci. Et bonjour à SFM à tout le monde. Merci, au revoir. Bye bye. Eh ben, dites voir quelle ambiance, quelle bonne humeur. Et c'est pas fini. Hein? Non, c'est pas fini. Il y aura encore des cadeaux. C'est pas fini. Oui, vous restez avec nous sur SFM, bien évidemment. Bonne route. Bonne route. Das wäre doch einfach wunderschön. Ein Abend, wo ich dich verwill, stundenlang. Das wäre für mich wie Freude pur, die ich dann wieder mit dir spür. Und wir beide wären glücklich. Komm und tanz. Stay. La la la, la la la, la la la. réveil ou sur la route avec Sylvie et Bernard sur STFM. Sur STFM. Sur STFM. Cendrillon, pour ses 20 ans, la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps, dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves elle part. Jolie petite histoire. Ses 30 ans, la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Elle a changé en junkie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon va finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle va. Jolie petite histoire. As-tu vraiment fait de ton mieux? Que sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir. Mathieu Mendes avec Cendrillon sur STFM à 30 secondes et 8 heures. Dimanche, dimanche, là, à venir, ne manquez pas la fête et la brocante à Veillères. Il y aura également les portes ouvertes du Verger École. Restauration sur place, toute la journée sous chapiteau, hein, je vous rassure, au cas où. Jambon au foin, merguez, saucisses, exposition de véhicules de collection. Enfin, franchement, on se lâche. Hein. C'est organisé par l'association arboricole de Veillères, Drulingen et environ. C'est dimanche. Veillère, fête et brocante. Bah justement, dimanche, ce sera bien soleil et nuages pour se partager le ciel pour la journée. Donc, en principe, pas de gouttes qui tombent et c'est super. Tant mieux. En plus, il fera 24 degrés. Du côté. Dimanche, oui, génial. Dimanche, mais oui, bien évidemment. Bah aujourd'hui, c'est de la flotte, par contre, alors. Oui, aujourd'hui, ouais, c'est, voilà, c'est entre les deux. Mais avec, écoutez, emmenez votre parapluie. Oui, vaut mieux. Enfin, faites attention parce qu'il y a peut-être de l'orage cet après-midi aussi. Mmh. Bon, soyez prudents. Aménagement, plantation, taille d'arbuste, Rondo Espace Vert s'occupe de tout. Une équipe de professionnels se tient à votre disposition au 06 03 17 68 61. Rondo Espace Vert à Eschbourg, 06 03 17 68 61. En tant qu'adhérent de la coopérative Artisan à domicile d'Alsace, Rondo Espace Vert vous fait bénéficier de 50% de réduction ou crédit d'impôt. Renseignez-vous. Ouais. Ah, chic. Ouh. Chic Good Times sur STFM. 8h09, ouverture de notre dernière heure de vos matinales. Ah non, mais je voyais le papier, ils n'ont pas encore fait l'émission Super Papy. Ah oui, c'est vrai que c'est Super Nanny. Super Nanny, c'est peut-être la solution si vous rencontrez des problèmes d'éducation avec vos enfants. Alors, alors il faut appeler Super Nanny. Oui, parce que NT1 est en train de monter une émission sur le Grand Est, hein, 01 76 21 45 94. Ça, c'est pour l'émission de Super Nanny. Oui, alors si on a des problèmes, on appelle. Ouais, parce et que on passera à la télé alors. Bah, peut-être. Ah ouais. Vous voyez ça, vous débrouillez avec la production et voilà. Moi, je disais Super Papy parce qu'il y avait Domi de l'or. Ah, Super Domi. Ah, bah, on va l'écouter maintenant. Vendredi 3 juin 2016. Salut à tous. Salut, Bissom. Dans le Lustig Kalender, je vous propose aujourd'hui Kschetzterkauner. Kschetzterkauner, eh bien, c'est un voyou protégé. Oui, ben, écoutez, vous visez qui vous voulez, ça peut être pas très très sympathique, mais ça peut exprimer un avis aussi. Voilà, allez, petite blagounette, elle est courte, elle est pointue. C'est deux amis qui se rencontrent sur le parking du vétérinaire. Ah, salut Schengle, écoute, j'emmène mon chien chez le véto parce qu'il a mordu ma belle-mère. Ah bon? Mais tu vas pas quand même le faire euthanasier pour ça, hein? Mais non, tu rigoles. Je viens pour lui faire aiguiser les dents. Oh, jolie maman, si tu nous écoutes, je monte là. Allez, la bise aux dames et aux demoiselles. Poignée de main fort sympathique aux messieurs, morosque, faites-le bien, tu sais le. Frérot de la Vega. Ils sont bien, ces deux jeunes garçons, ils sont beaux en c'est plus. C'est gentil, hein. Bon, ah, bon, ça, après, ils sont vachement beaux, hein. Oui, ben ça, après, non, c'est votre histoire de fille. Bon, et continuez d'aimer notre page Facebook, hein. Je viens jeter un coup d'œil, etc. Ça grimpe un petit peu les gens qui aiment la page Facebook. Merci à vous de votre fidélité. Allez-y et mettez j'aime la page. Et voilà, faites-nous exploser le compteur. Bon. On compte sur vous. Oui. Bien. Ce soir, en fin de journée à 17h, oui. Grand événement sur notre antenne, puisque nous accueillerons, et tu accueilleras, c'est toi qui accueilleras à 17h, l'orchestre Sinsenthaler. Ils seront en direct. Ouais, ça va être la fête, on va découvrir leur nouvel album. Ouais, quelle ambiance. Ils vont nous raconter un petit peu leur parcours, parce qu'on les avait déjà reçus il y a pas mal de temps sur notre antenne, donc là il y aura effectivement des choses à raconter. Voilà, Sinsenthaler, l'orchestre à 17h en direct aujourd'hui, et puis autre émission spéciale, demain à 10h, demain matin, avec l'office de tourisme de la Petite Pierre. Tu recevras, cher Bernard, Aurore Jadot. Oui. Aurore est chargée de développement et de coordination petite enfance, enfance et jeunesse de la communauté de communes du pays de la Petite Pierre. Elle sera donc ton invitée à 10h demain, accompagnée par Glody Nefka, professeure de danse hip-hop. Ça, c'est génial, ça. Glody, qui a participé au championnat du monde de freestyle hip-hop international. Il anime d'ailleurs les cours de hip-hop à Schönbourg et à Wimmenau. Et vous en saurez plus demain matin, donc à 10h. Là aussi, il y aura belles choses à découvrir et à écouter. Des rendez-vous à noter, bien sûr. Ça se passe sur STFM. Il est 8h15. Très belle matinée à tous. STFM. Das Boot hinein ins dunkle Abendrot und ein leiser Wind, er spielt ganz zart mit deinen Haaren. Du schmiegst dich an mich, ganz eng hältst zärtlich meine Hand. Es ist mehr als Glück, was zwischen uns begann. Ich mein Herz, wen es lieb, nennt es mir deinen Namen. Amore sì, amore sì, amore sì. Tausend Träume werden wahr, amore sì. Ich trag dich hinab und mach die Tür des Zimmers auf. Champagner auf dem Tisch, für dich ein Strauß mit 100 Rosen. Lächelnd fragst du mich, nimmst du mich als Geschenk für dich. Und ich spür, es ist dein Herz, das zu mir spricht. Amore sì, amore. Lieb, nennt es mir deinen Namen. Amore sì, amore sì, amore sì. Tausend Träume werden wahr, amore sì. Matinale sur STFM, Sylvie et Bernard. STFM, Sylvie et Bernard.

so dem Sinn. Und sehen wir halt in der, dann wird es ja schon her. Wir brechen ihr das Herzen und es gleich eins, zwei, drei. Drum schaut gleich, liebe weh du, sonst ist mit euch vorbei. Drum schaut gleich, liebe weh du, sonst ist mit euch vorbei. Sur STFM, quelle ambiance! Et quel album! Qui va partir à Redin chez Brigitte, qui a beaucoup de chance, Brigitte? Ah, vous pouvez savourer votre chance! Et voilà! Et vous pourrez savourer, ouais, danser tout sur cet album d'Alpen Mélodie. Le nouveau. Ah, à propos de nos orchestres, vous savez qu'on les adore, nos orchestres. Oui. Bon, ben, ne manquez pas l'heure de l'apéro, c'est à 11h. Mais... du lundi au vendredi, d'ailleurs, avec Marie, que j'envie d'ailleurs, et qui passe une heure avec nos orchestres en train, qu'on fait la fête, enfin. C'est la vie, quoi. Je dois fréquenter que les filles de 50 ans, car les plus jeunes pensent qu'à l'argent. Maintenant. Maintenant. Je dois pas regarder et surtout pas toucher. Maintenant. Non. Lorsque les filles viennent me taquiner, maman m'a dit, laisse-les tomber. Mais non. Faut pas insister, on ne doit pas me tenter. Mais non. Maintenant. Mais si, mais si. mais non, Henri Salvador sur STFM, et c'est la fin de vos matinales de ce vendredi. Mais non. Mais oui, de ce vendredi 3 juin. Voilà. Bon, alors, chers amis, j'ai un certain nombre de choses à vous annoncer, que dans un instant, toutes sortez les trompettes, Marie arrive pour la matinée jusqu'à midi. Cet après-midi, c'est Hélène qui sera avec vous de 14h à 17h et... À 17h, attention, les Sinsenthaler, l'orchestre Sinsenthaler, en direct à 17h dans nos studios, ça va pas être triste. Ils vont parler de l'album et tout, en ta compagnie, cher Bernard. Absolument, et avec grand plaisir, à 17h. Et puis, autre émission spéciale, demain matin à 10h, où tu recevras l'office de tourisme de la Petite Pierre. Alors, tu recevras en tout cas Aurore Jadot. Elle est chargée de développement et de coordination petite enfance et jeunesse de la communauté de communes du pays de la Petite Pierre, demain matin 10h, mais elle ne sera pas seule, accompagnée de Glodine Nefka, qui est professeure de danse hip-hop. Oui, c'est génial. Là, on va faire du hip-hop en direct. À fond la caisse. Alors Glodie, qui a participé au championnat du monde de freestyle hip-hop international, c'est pas n'importe qui, attention, et qui anime les cours de hip-hop à Schönbourg et à Vimenau. Vous pourrez l'écouter à 10h aussi demain matin, émission spéciale à pas louper, hein. Absolument. Et quant nous, à toi. Oui, alors moi je vous retrouve dimanche matin pour les dédicaces en direct de 10h à midi. Et nous on se retrouvera ensemble pour les matinales dès lundi avec les billets d'entrée de Johnny Hallyday. Ouais, n'oubliez pour Johnny. Pas. Soyez au rendez-vous. Mon petit loup, ça va faire mal ce soir. Wouh ! Oui, le concert sera quand de même l'amour. Mieux. Oui, ça va être mieux le concert. Si je vous le dis, si je vous le promets. Bon, bonne journée, bon week-end. Touche pas, mon anatomie a mis la barre, que je garde pour mon petit ami, je vis par amour en monogamie. Oh oh oh là, mais c'est qu'il faut une camisole, ce mec il pense comme un kamikaze là, tête baissée sur l'ennemi. Ouh ouh ouh ça, dans les bijoux de famille tata, c'est harassé à l'ami compa, je te renvoie chez ta mamie. Mon également faute. Ami. Amicalement faute. Mon gars. L'on passe pas la famille, on a. Jouer, merci, pile ami ou pas. On se quitte pour vôtre. Ami. Amicalement vôtre.